Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous sommes entourés de quelques étudiants de l'INRS. L'INRS, c'est l'Institut national de la recherche scientifique. Il y a 4 centres INRS au Québec et au cœur de la ville de Québec. Il y a le centre ETE, ETE pour Eau, Terre, Environnement. Et d'ailleurs, nous recevons régulièrement des étudiants de ce centre. Et pour faire connaître leurs travaux, les étudiants ont décidé d'organiser leur congrès. Donc, ça s'appelle le congrès étudiant INRS ETE. Et Audrey Moffett, qui est étudiante donc à l'INRS ETE et qui est responsable des communications pour ce congrès, est avec nous et elle va nous dire le pourquoi comment de ce congrès. Bonjour Madame Moffett. Bonjour. Et donc ce congrès finalement c'est une initiative des étudiants eux-mêmes, c'est eux qui ont dit on va faire un congrès pour faire connaître nos recherches? Oui, ben, disons qu'en fait on avait des fonds qui étaient prévus pour des projets scientifiques. Puis on a décidé, c'est sûr que ça nous était inspiré de certaines conversations, mais oui, on a, c'est une initiative étudiante. Donc mm-hmm. c'est l'association des étudiants du Centre Hauteur Environnement qui ont le comité scientifique qui a organisé l'événement. D'accord. Donc, le congrès il va se dérouler dans quelques jours à la salle La Nef, ouais. au 190 rue Saint-Joseph-Est, du mercredi 4 novembre au vendredi 6 novembre prochain. D'accord, donc ça, c'est la semaine prochaine. Ouais, ça mm-hmm. va se tenir donc sur ces 3 journées avec une journée par perspective sous le thème « Passé, présent et futur, mm-hmm. 3 perspectives de l'environnement ». Donc, ce congrès qui est parrainé par le Fonds de recherche du Québec Sciences et Technologies, FRQNT, il vise à faire découvrir les travaux et les thématiques de recherche qui se déroulent à l'INRS ETE, mais aussi ceux de nos pairs des autres mm-hmm. universités québécoises qui font mm-hmm. partie de notre programme. D'accord. Donc, concrètement, qu'est-ce qui va se passer pendant ce congrès? Ben, on va discuter de ce qui se fait activement en recherche au Québec en sciences mm-hmm. environnementales. Il va y avoir des présentations diverses qui vont être majoritairement données oralement, mais il va y avoir aussi une proportion qui va être donnée sur des affiches ouais. murales qu'on va pouvoir consulter au gré. Finalement, il va y avoir des présentations, je m'excuse, sur des thèmes qui vont être liés à des séries de données qui remontent à la préhistoire et au passé récent. Il va en avoir sur la santé publique et sur les procédés de décontamination. Mm-hmm. Il va aussi avoir une session entière en écotoxicologie. Et aussi, les présentations vont être orientées d'après l'utilisation d'images issues de la télédétection, ouais. c'est-à-dire obtenues grâce aux satellites. Aussi, ça va être orienté vers les innovations et les perspectives sociétales. D'accord. Alors, ce titre aussi, bon, il a un passé, il a un titre, on l'a évoqué là. Le titre, donc, c'est « Passé, présent, futur, 3 perspectives de l'environnement ». Ça, c'est le titre du congrès. Pourquoi ce titre? Est-ce que ça reflète, parce qu'il y a 3 perspectives, puis il y a 3 temps. Est-ce que ça reflète ce qui va se passer pendant les 3 jours du congrès? Ben, c'est le thème de base qu'on a, disons, soumis aux gens. Et puis les gens, justement, ont orienté leur présentation orale ou par affiche selon ces 3 thèmes. Donc, on a vraiment été capable de faire une programmation qui vont exploiter mm-hmm. différents sujets dans sciences environnementales, des thèmes plus vers le passé, le présent et le futur. Mm-hmm. Donc, chaque journée, comment que ça va se passer? On arrive... OK. Ben, chaque journée, elle va commencer par une plénière avec un conférencier invité. En fait, pour avoir plus de détails aussi, je voudrais inviter les gens à aller visiter notre site Internet au www.congrèsétudiants.ETE.INRS.ca. On peut y voir notamment qu'il y a 3 plénières données, une par journée, une conférence passée, une présente et une future, mm-hmm. une pour chaque journée. La première va être donnée par la docteure Anne Duvernal pour la journée passée, la deuxième par Isabelle Lorient pour le jour présent et la troisième par Isabelle Charon pour le jour futur. Mm-hmm. Donc, respectivement, elles vont venir nous entretenir sur la variabilité naturelle du couvert de glace de mer dans l'Arctique et dans les mers subarctiques, sur le rôle des lacs dans la régulation du climat et sur les impacts futurs des changements climatiques au Québec. Mm-hmm. La première, Madame Duvernal, elle est spécialiste en micro-paléontologie et en palynologie au Centre de recherche en géochimie et géodynamique Géotop et à l'UQAM. Il y a Madame Lorient qui est spécialiste en écologie aquatique de l'INRS ETE et il y a Madame Charon pour le dernier jour qui est spécialiste en écologie forestière mm-hmm. et en changement climatique chez Uranos. Mm-hmm. On va aussi avoir la chance pour la première journée, pour la journée passée, de recevoir le docteur Jean Bédard pour une conférence spéciale. Ça va avoir lieu l'après-midi. dans le cas de cette journée. Donc, il va nous entretenir sur la Terre avant la naissance de la tectonique des plaques. Ah oui? Monsieur Jean Bédard de la Commission géologique du Canada, ils ont proposé un nouveau modèle géologique en collaboration avec Liel Harris, docteur à l'INRSETE, qui est décrit en fait comme une des découvertes de 2014 par le magazine Québec Science. Oui, c'est vrai, je me rappelle, oui. Mm-hmm. Ce modèle, il réinterprète la préhistoire géologique avec ses mécanismes tectoniques en lien avec la planète mm-hmm. Vénus. C'est des sujets qui vont être abordés pendant mm-hmm. sa conférence. D'accord. Et qui peut assister parce que ça, c'est les conférences, donc les conférences, les plénières. Ensuite, il y a les étudiants qui vont présenter leur conférence à eux. Et qui peut assister à toutes ces conférences? Ben, c'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert vraiment à tout le monde, des amateurs de sciences jusqu'à ceux qui s'impliquent activement en recherche. On les invite à assister au congrès. Il y a plusieurs formules disponibles, une journée, deux journées, trois journées. Vous pouvez trouver les renseignements sur notre site Internet. Je pense que si on tape congrès étudiant INRS, on va le trouver dans un moteur de recherche. Ouais. Ben, ouais. C'est ça. Donc, les trois journées vont laisser place à des présentations des étudiants aux études supérieures de l'INRSETE, mais aussi dans le programme, comme je l'avais dit au début, il y a des étudiants d'autres universités québécoises mm-hmm. qui vont être présents. Et puis, il va y avoir aussi quelques professeurs pour interagir avec nous. Donc, c'est une occasion aussi de réseauter. Oui, oui, c'est ça. Et puis, on peut aussi s'inscrire à la journée, c'est ça? On peut s'inscrire à la journée, on n'est pas obligé de s'inscrire pour les trois journées. Et on peut s'inscrire sur place également. Exact. D'accord. Bon, donc, voilà tout un programme pour les trois journées de la semaine prochaine. Merci beaucoup, Madame Moffett. Et bonne chance aussi pour cette première édition du congrès étudiant INRS-ETE. Je rappelle que Audrey Moffett est responsable des communications pour ce congrès et nous allons explorer un peu plus en avant avec deux étudiants les sujets qui seront abordés pendant ce congrès. Mais auparavant, comme c'est 18h, c'est l'heure de la publicité sur CKRL au 89.1.